Les éditions de l'Avenir présentent Le Progrès de l'Est, volume 1, numéro 3, du samedi 8 septembre 1883. Page 1, colonne 2. Choses et autres. En discutant la question des belles-mères, le transcript de Boston cite un cas d'un homme marié qui n'a jamais eu de belle-mère. Cet homme était Adam et il n'a pas été marié 24 heures sans être dans le trouble. S'il avait eu une belle-mère, il aurait surveillé les pommes de près et ni Ève ni Adam n'auraient pu en manger. Henry Studdy, en mourant à Ransom, Illinois, a laissé une fortune de 65 000 $ acquise d'une manière peu ordinaire. Il était perclus de naissance. À la fin de la guerre civile, il acheta un uniforme de soldat, inventa une histoire pathétique racontant ses blessures dans les batailles et se mit à parcourir le pays comme mendiant. Il a été reçu partout avec sympathie à raison de ses récits habilement inventés et de sa misérable apparence, et en 3 ans, il réunit la somme mentionnée plus haut. Rentré au logis après sa fructueuse tournée, il a vécu de ses rentes et dans l'oisivité jusqu'à sa mort. La Californie possède un individu en train de vouloir prouver aux cours de justice qu'il est mort. Il a été condamné en mars dernier à l'emprisonnement à vie à Saint-Quentin pour cause de meurtre. Plus tard, il fut accusé d'un autre meurtre et transféré à la prison de San Jose pour attendre son jugement. Il demande actuellement qu'on le renvoie à Saint-Quentin, prétendant que le premier jugement entraîne la mort civile, que son cadavre a été exhumé, pour ainsi dire, et ne peut plus être tenu responsable d'aucun crime commis pendant son existence. Lundi dernier était le 100e anniversaire de la signature du traité par lequel la Grande-Bretagne a reconnu la souveraineté indépendante des colonies américaines. Il y avait déjà plus de 7 ans que les Américains avaient proclamé leur indépendance et que la résistance par les armes avait commencé. Mais ce n'est que le 3 septembre 1783 que l'Angleterre fut obligée de reconnaître leur complète indépendance. Les années intermédiaires ont été témoins d'une lutte qui est devenue un grand exemple historique de l'établissement de nos libertés. Le traité fut signé au nom des États-Unis par John Adams, Benjamin Franklin et John Jay, dont 2 étaient des ressortissants de Boston. Nous savons de bonnes sources, dit le Herald de Newbury Report, que J.N. Jacques, de cette cité, est l'heureux propriétaire d'un bouton de la fameuse redingote grise de Napoléon Ier et qu'il a reçu une lettre autographe du secrétaire de la Société historique de France, lui offrant de le nommer à vie membre de cette institution célèbre et de lui accorder le droit de citoyen français s'il consentait à faire présent à la société de ce fameux bouton. La lettre disait de plus que si M. Jacques n'était pas un homme fortuné, le fait qu'il y a 65 descendants de Bonaparte, tous énormément riches, était une garantie suffisante qu'il pourrait obtenir n'importe quelle somme d'argent pour ce bouton. M. Jacques dit que Barnum lui a offert 125 000 $ comptant, mais il croit que son bouton vaut 500 000 $ et qu'il le vendra facilement cette somme. La séance du comité exécutif démocratique de samedi dernier a été assez intéressante. Il était convoqué pour discuter et adopter les mesures à proposer à la Convention d'État et pour entendre lecture des rapports des diverses sections du Massachusetts. Même plus, les représentants du parti ont été autorisés à répandre la nouvelle que Butler se porte de nouveau comme candidat. Ses courses en yacht l'ont renouvelé, de corps et d'esprit. Il s'en est revenu juste au moment où les chefs du parti était prêt à lui donner l'assurance qu'une autre candidature démocratique était dans les airs. Les chefs du Parti démocratique ont confiance dans la victoire à cause de la grande activité déployée par eux pendant ces derniers temps dans les villes et cités. Il serait donc judicieux pour les républicains de ne pas considérer l'attitude des démocrates comme reposant sur de pures vanteries. La campagne sera sérieuse, la contestation chaude, et il y aura lutte pour faire participer chaque ayant droit aux élections. Pourtant, Le Massachusetts n'est pas un État où les démocrates ont la majorité. S'ils ont réussi à élire le gouverneur de leur choix l'année dernière, c'est grâce à l'insouciance ou au laisser-aller de quelques chefs républicains qui n'avaient pas su enterrer leur hache de guerre, oublier les dissensions de factions et travailler cordialement, énergiquement et d'un même accord pour arriver au but commun. Mais la faute commise l'année dernière a eu des conséquences trop sensibles pour qu'elle se renouvelle encore, et l'expérience acquise a fait rentrer dans les rangs du Parti républicain un grand nombre de citoyens qui s'en étaient momentanément éloignés. Il existe un genre d'occupation que bien des personnes ignorent. C'est le métier d'ombre, comme les agents de police l'appellent. Il rapporte à son homme 2 $ par jour et a pour but de surveiller toutes les actions d'un autre homme depuis qu'il sort du lit le matin jusqu'à l'heure où il se couche le soir. S'il arrive qu'un individu doive être guetté jour et nuit, cette occupation requiert 2 hommes. L'ombre doit suivre son homme aussi de près que possible, mais elle doit bien faire attention qu'il s'en aperçoive. Voici ce qu'a raconté à cet égard un agent de police de New York. Il n'y a pas longtemps que j'avais besoin d'une ombre. L'ayant trouvé, je lui dis qu'il devait avoir l'œil continuellement ouvert sur un individu que je lui désignerais en le frappant avec mon mouchoir de poche sur l'épaule. Nous entrâmes dans un restaurant et l'ayant rencontré, je lui fis remarquer qu'il avait une chenille sur l'épaule en même temps que je la chassais d'un coup de mouchoir. Puis je m'en allai, sachant très bien que l'ombre ne perdrait pas son homme de vue. Elle le suit à dîner, à ses affaires, au souper et dans les rues le soir. C'est ici que commencent les difficultés de la vocation. L'homme surveillé peut prendre un fiacre et l'ombre doit en louer un à n'importe quel prix pour le suivre. Enfin, elle le ramène à la maison la nuit, cherche ensuite un gîte pour un peu se reposer et être frais pour recommencer le lendemain. Mais trouver une chambre est souvent très embarrassant, surtout dans le cas où l'individu habite un quartier aristocratique et où il n'existe pas d'hôtel, de restaurant ou de maison de pension. Je sais que mon homme, nommé Boilan, a couché plusieurs nuits, très froides, dans un panier à charbon sur la rue. Il y a, à New York, certaines banques et des grandes corporations qui font suivre d'ombre leurs employés, chaque année, pendant une semaine, aux environs des fêtes de Noël et du Nouvel An. À la fin de la semaine, un rapport complet est donné au maître sur les habitudes, les fréquentations, la manière de vivre et les dépenses de leurs employés. Cet enregistrement est diffusé sous licence Creative Commons Attribution Non-Commercial Share Alike et est une production 2012 des éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'avenir-audio.canalblog.com. Merci de votre attention. À bientôt.